Ce soir dans Focus, eh bien oui, gros plan sur la virade. Olivier Gilly, président des Sept Rivières, est avec nous. On parle de cette belle course qui va se dérouler ce week-end, avec toujours un programme alléchant, puisqu'il y aura la remise des prix, il y aura bien sûr le petit buffet. Est-ce qu'on est toujours avec un petit repas, Olivier? On est toujours avec un buffet un petit peu très échalandé, on va dire, plutôt. Oui, on est plutôt dans l'approche d'un buffet consistant. Hein. Le petit repas est plutôt terminé. On est passé à autre chose. Un buffet fait de gâteaux fait maison, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui est un peu original. Voilà, pourquoi... Si vous cherchez ma façon de participer à la virade dimanche, ça sera autour du buffet. Voilà. Oui, mais ça j'étais. Déjà, vous livrez un scoop. Voilà, je te ferai un gâteau en forme de ballon de rugby. Merci Olivier. Revenons plus sérieusement avec toi. Didier. Je vais revenir un peu à ce que tu disais là tout à l'heure. Au niveau des athlètes, hein, quel que soit l'athlète, son niveau, surtout ceux que niveau, il y a certains qui viennent quand même courir, quelle que soit la récompense qu'ils ont. Ils s'en foutent, certains s'en foutent. Ils se disent bon, je fais pas les interclubs, mon club n'y va pas, mais tant pis, je vais faire la virade et j'y vais pour gagner et s'il n'y a pas d'argent, tant pis, j'y vais quand même. Hein, c'est à eux de savoir, ils sont grands garçons ou grandes filles pour se dire bon, je le prends quand même sous forme d'entraînement, je me fais mal. Et voilà, hein, moi ça m'est arrivé qu'au niveau organisateur, j'allais pour courir, faire plaisir à l'organisateur qui m'avait invité. Et quel que soit le prix qu'il y avait, basta. Didier, le bémol à ce que tu racontes là, c'est juste que peut-être qu'à l'époque où tu le faisais, il n'y avait pas autant de concurrence. Et que maintenant, si j'ai bien écouté ce que racontait Marie tout à l'heure, il y a le même jour, il y avait Tavel ou Girac ou un truc comme ça, ou Peugeot, et ça devient de plus en plus compliqué pour les athlètes de faire un choix, et du coup il faut bien aiguiller leur choix avec quelque chose, non? Non, c'est-à-dire que bon, c'est à toi de... Enfin, pour moi, hein, je sais qu'au niveau de la concurrence, je suis toujours tombé sur les grosses courses où il y avait des Kenyans, des athlètes du Maghreb. J'avais des Kenyans avant, quand il y avait la Légion étrangère qui était à Marseille, du côté de Marseille, ils venaient, ils faisaient pas de cadeaux. Le niveau était même plus relevé que maintenant, puisque je regarde au niveau des résultats et des performances avec des chronos. Mais l'aspect financier, il y a des athlètes qui s'en foutent. Si tu prépares bien ta saison, après tu dis bon, je vais aller courir là et voilà, basta. Moi, je sais que j'allais faire le semi du Ponté. À un moment, il y avait le semi du Ponté, il y avait le Diborne. Je sais qu'il n'y avait pas de récompense financière. Simplement, je connaissais certains organisateurs. Mais que tu as un prix qui est sympa, c'est sympa. Puis il y avait une bonne ambiance et puis il y avait un chrono au bout. Là, c'est pareil, il y a une bonne ambiance, je sais, à la virade à Bédaride. Et ça vaut le coup quand même aussi de participer à ce style de course. Hein. C'est pas ça qui va te faire mal. Hein. Des fois, tu peux changer un peu ton habitude d'entraînement et te dire bon, dimanche, voilà, ça va être un footing, mais ça va être du costaud. Et voilà. Et puis l'ambiance y est, hein, parce que j'ai connu quand même Bédaride, puisque j'ai vécu sur Bédaride. Et il n'y a pas que cette course-là, il y en a d'autres aussi où il y a des gens qui aiment venir et se faire plaisir. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, je sais que ça demande beaucoup. Espérons pour Olivier et Claire et les autres organisateurs qu'il y ait effectivement énormément de monde et que la participation soit... Oui, c'est ce que je leur ai dit en début d'émission sur la course, c'est qu'il y a le tour des il y a les interclubs qui tombent à cette période-là. C'est souvent dans ces périodes-là et après on va bien voir. Hein. La seule chose, pour moi, le bémol, c'est que il y a un trail dans le Grand Luberon, donc c'est pas le même style de coureur, mais ça nous pénalise à chaque fois. Bon, messieurs, est-ce que c'est terminé? Parce que oui. Tu voulais appeler quelqu'un, il me semble. Oui, on est en direct. L'organisateur d'un petit club également, hein, d'une petite association. Le problème, c'est qu'on va avoir 4 minutes devant nous. Il me semble que Jean, on va te quitter. Si tu as deux mots à dire avant te laisser. Je souhaite à Olivier, à son équipe, une belle course dimanche. Je serai là, je viendrai en tout cas les saluer et puis je parlerai. Voilà. On aura le plaisir, bien sûr, de t'avoir au micro de Fly FM avec des interviews de certains coureurs, oui. Merci à toi, Jean-Yves, pour ce soutien. À bientôt, Jean-Yves. Et mets les voiles pour arriver pas trop tard, mets les voiles de Brest. Bye bye Jean-Yves. À dimanche. Bonsoir. Merci. Voilà, on quitte Jean-Yves, on va rester avec Olivier dans quelques minutes. Alors, Didier, on va avoir une personne au téléphone dans quelques secondes. Qui est, monsieur ? Serge Dunant, c'est un ancien coureur, il court toujours. Hein, et Serge Dunant, Jean-Pierre Dunant. Et Jean-Pierre, ce monsieur... Alors, puis, si tu le débaptises, ça ne pourrait pas aller. Alors, lui, c'est sa troisième édition de l'Equidène des Tours. Et c'est une course qualificative. Donc, moi, j'y étais aussi en tant qu'organisateur. Et là, cette année, il a eu 74 équipes. Et 74 équipes sont représentées par 6 personnes. Alors, pas une chose, c'est qu'il nous faudra 3 minutes qu'il l'expose en 2 minutes. Serge, bonsoir. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Serge, Jean-Pierre. Comment vas-tu? Ça va. Bon, Jean-Pierre, est-ce que c'est Serge va bien là, voilà. Jean-Pierre, est-ce que Serge va bien? Voilà. Non, il n'a pas compris. Bonsoir. Allô? Jean-Pierre. Est-ce que Serge va bien? Oui, ça va très bien. Oui, parce qu'il fait appel, il s'appelle Jean-Pierre, il fait que t'appeler Serge. C'est pour ça que c'est Serge. Ah, j'ai pas pu rester à ta troisième mi-temps samedi. Bon, j'étais vraiment satisfait que tu aies pensé à moi pour venir en tant que starter et ça me fait plaisir. Hein. Je suis bénévole, mais ça fait partie du jeu également, puisque quand on a des idées. Je m'excuse, mais j'entends très très mal. Bon, alors rapproche-toi du micro, et je m'en rapproche aussi. Hein. Bon, toutes mes félicitations pour ta course, ta course avec 74 équipes. Hein. Ça fait du beau monde, tu avais du beau monde. J'ai vu beaucoup de gens du Vaucluse, j'ai vu des gens du Var. Et puis, j'ai vu d'autres clubs également qui venaient d'assez loin. Donc, et en plus, il y a eu un super chrono. Hein. C'est 2h21 pour le club d'Aix-Athlée, où vous avez un athlète qui valait 2h20, qui est né Ecola Navarro. Ensuite, l'Asco Marguerite, qui a représenté au moins 3 équipes, suivi d'Esprit Course, qui avait 2 équipes. Et puis, Vauden, qui est une petite association, qui a présenté aussi 2 équipes. Donc, ça te faisait du beau monde. Hein. Oui, on est satisfait de ça commence à bien marcher, puisque bon, la première année, on a fait 38 équipes, qui n'étaient pas qualificatifs. L'année dernière, on en a fait 56, cette année 74, on est ravis. Après, on a eu une chance pour Toulon, c'est que Toulon a été annulé. Des équipes comme Nice sont venues, ou Toulon même, les hospitaliers qui sont venus aussi, et le SCO aussi, qui d'habitude va sur Toulon. Marguerite, ils avaient amené le nom, mais Vedane, ils m'ont fait signe. Non, c'est pas 2 équipes, c'est 3 équipes, comme elle m'a dit. Mais chapeau, hein, je peux t'assurer que je me suis régalé, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin, mais je te souhaite tout mon succès pour l'année prochaine. Simplement, maintenant, ce que je peux te dire, c'est que le travail va recommencer, pas tout de suite, mais ça va bientôt repartir aussi pour faire... C'est-à-dire que là, nous, déjà, on va déposer pour la date pour l'année prochaine, pour le label, et peut-être on envisage d'avoir les championnats de France d'ici une année ou deux, voilà. Très bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on va te garder au téléphone parce qu'on va être avec Olivier Gilly, qui organise la virade de Bédarrides. Olivier, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on attend à Bédarrides? À quelle heure ça va démarrer et à quelle heure les seniors, la course phare des 12 km démarrera? Alors, le dimanche 21 mai, le départ 9-15, deux départs 9-15, 9-30, 9-15 le challenge vauclusien 12,5, 9-30 le 6,5. À partir de 8h, inscription sur place ou via notre site Nicrom. C'est tout. C'est tout, c'est bref, remise et efficace. Remise des prix. Remise des prix, bien évidemment, aux alentours de 11-15. Voilà, merci, c'était Top Chrono, s'excuse pour Jean-Pierre. On y passe bien le bonjour à Serge. Jean-Pierre. On le retrouvera Jean-Pierre. À la prochaine, Jean-Pierre, et merci encore. Hein. Voilà, bye bye, à très bientôt, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Top Chrono avec Jean-Yves. Bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bibussy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bibussy.fr.